On ne peut guère compter moins de 100 000 personnes sacrifiées dans les deux expéditions de Saint-Louis. Joignez les 150 000 qui suivirent Frédéric Barberousse, les 300 000 de la croisade de Philippe-Auguste et de Richard, 200 000 au moins au temps de Jean de Brienne. Comptez les 160 000 croisés qui avaient déjà passé en Asie et n'oubliez pas ce qui périt dans l'expédition de Constantinople et dans les guerres qui suivirent cette révolution, sans parler de la croisade du Nord et de celle contre les Albigeois. On trouvera que l'Orient fut le tombeau de plus de 2 millions d'Européens. Plusieurs pays en furent dépeuplés et appauvris. Le sire de Joinville dit expressément qu'il ne voulut pas accompagner Louis à sa seconde croisade parce qu'il ne le pouvait et que la première avait ruiné toute sa seigneurie. La rançon de Saint-Louis avait coûté 800 000 besans. C'était environ 9 millions de la monnaie qui court actuellement en 1778. Si des 2 millions d'hommes qui moururent dans le Levant, chacun emporta seulement 100 francs, c'est-à-dire un peu plus de 100 sous du temps, c'est encore 200 millions de livres qu'il en coûta. Les Génois, les Pisans et surtout les Vénitiens s'y enrichirent. Mais la France, l'Angleterre, l'Allemagne furent épuisées. On dit que les rois de France gagnèrent à ces croisades parce que Saint-Louis augmenta ses domaines en achetant quelques terres des seigneurs ruinés. Mais il ne les accrut que pendant ses 13 années de séjour par son économie.